les palmiers. J'suis bien, j'peux pas le nier. Le flic me cherche, mon avocat il s'appelle Damien. J'ai pas de casier, j'ai la casio. Dans la scène, j'ai pas ce qui est, sinon j'volerai pas si haut. J'vis de ma passion, j'suis un mec patient et pas chiant. Le succès c'est bon, mais j'montrerai pas ma vie comme le Kardashian. Même si j'ai la Chiron. Trop de décès, ça me rend triste. T'as fait des actions de pute, t'as volé des gens, fais du mal à ta mère, fais pleurer ton sang, va t'excuser. Le but est de pas mourir en fils de. Beaucoup de prise de tête, je viens de rouler une tour de piste de terre. Mon pignon dans la tasse de thé, dans la fumée je me perds. En ce moment à Marseille c'est cric cric cric. Le bruit du tum tum il fait peur. Que sur une roue je me dis que c'est fait pour. Je suis venu pour mettre du bon dans les cœurs. De faire un tour, y'a du bon dans les tours. Là où ils font des détours les donneurs. Big up les honneurs, ils ont tous un Glock ici. Elle fait plus d'effet, ta répute de cogneur. Comme du coffre, santé bonheur. Stop, même pas je compte les coupures. Impossible que je recompte les coups durs. Je m'habille chien pas souvent en couture. Quand on me voit trop je change de voiture. M'en fait une rayure, je dois refaire la peinture. On me dit laisse rien mais moi j'ai la tête dure. J'ai plus un cheveu, elle m'a niqué la teinture. Touche pas famille, on va refaire la peinture. De quoi est fait demain on sait pas. Wesh ma rue commencer. Et quand c'est deux frères on sépare. On laisse même pas commencer. De quoi est fait demain on sait pas. Wesh ma rue commencer. Et quand c'est deux frères on sépare. On laisse même pas commencer. À 4 dans la caisse, y'en a 3 qui ont tout dans les couilles. Quoi, tu veux donner la part des apaises. T'étonnes pas si elle fuse les douilles. Moi, j'fais pas la course, non. J'veux pas remporter le meilleur prix. Le soleil se couche, mes potes ils vont faire l'air pris. J'aime pas qu'un stat a l'air triste, fils. Là tu vas me rendre électrique, fils. Ça tombe pas du ciel le fric, fils. Et oui, y'en a qu'on fait des sacris, fils. J'suis calé sur la chaise pliante. J'fume la frappe qui rend les yeux brillants. Elle est belle, elle a tout ce qu'il faut, mais elle y a demandé du shit, ouais, comme une cliente. La vie se passe qu'à face ou hit. Tue des gens sous ma, j'fais des bracos sous hit. Là, la frappe, elle vient du 9-2. Et elle arrive sous vide. De quoi est fait demain, on sait pas. Wesh, ma rue commencée. Et quand c'est deux frères, on sépare. On laisse même pas commencer. De quoi est fait demain, on sait pas. Wesh, ma rue commencée. Et quand c'est deux frères, on sépare. On laisse même pas commencer. De quoi est fait demain, on sait pas. Wesh, ma rue commencée. Et quand c'est deux frères, on sépare. On laisse même pas commencer. De quoi est fait demain, on sait pas. Wesh, ma rue commencée. Et quand c'est deux frères, on sépare. On laisse même pas commencer.